On va parler des régates de Saint-Félicien. On a appris une très mauvaise nouvelle encore au cours des derniers jours. Pour la troisième année consécutive, ben, il n'y aura pas de régate de Saint-Félicien. On en parle avec Régent Côté. Salut Régent. Oui, bonjour M. Dany. Régent, évidemment, écoute, moi je suis déçu, mais pas déçu pour... Je suis déçu pour les gens, puis je suis déçu pour l'organisation, mais en même temps, je comprends très bien. Comment veux-tu préparer une activité quand tu sais même pas où ça s'en va? Ça doit être ça un peu, hein? Oui, c'est ça. Ça résume bien la chose un petit peu de toutes les façons. On ne sait pas où qu'on s'en va avec les relâchements. Et puis surtout, on ne sait pas l'état financier de nos partenaires. On sait que les restaurants, c'est pas facile. On a juste à penser à notre DG qui est propriétaire d'un restaurant. On a tout de suite vite compris que c'était pas facile pour lui puis pour toutes les autres ces temps-ci. Fait qu'on se voit mal. On est les premiers à starter l'événement estival, donc ça veut dire les premiers aussi à passer la gratte pour les commandites. Et puis on doute fort que les gens vont être capables à hauteur égale des années d'avant qu'à pandémie de nous soutenir autant. OK, donc c'est au niveau des commanditaires. Moi je pensais que c'était plus au niveau de tout le reste qui suivait là. C'était ça, en fait. C'était plus au niveau des commanditaires, c'est ça? C'est tout au niveau des dommages collatéraux. Notre comité, okay, comme tel, on est les mêmes depuis 15 ans, mais sur les mêmes du début, ben on en a perdu un ou deux. Et puis, on a eu des nouveaux qui viennent. Il y en a un qui arrive, un qui repart, comme je disais. Et puis, ça aussi, avoir un comité qui dit, regarde, nous autres, on a des belles idées, on a des nouvelles idées, puis on va vous propulser encore plus loin. Donc, ça apporterait du sang nouveau qui viendrait aider là à l'événement puis à la pérennité de l'événement surtout. OK. Donc, évidemment, c'est égal. Mais j'imagine aussi que, là, l'avenir, ça dit quoi? L'avenir des régates de Saint-Félicien? Ça se porte bien. C'est l'endroit le plus prisé des coureurs. C'est l'endroit où les gens aiment mieux venir. Puis, par contre, c'est l'endroit le plus accessible à la gratuité au pourtour de la rivière. Donc, ouais, ce qu'on veut, c'est que les gens s'approprient nos sites. Les sites sont animés du côté VIP, la marina. Ils ont accès aux bateaux, aller se mettre le nez dans les cockpits de bateaux, si on veut, discuter avec les amateurs de course, les propriétaires de ces embarcations-là. Okay. Et puis, il y a des jeux gonflables, les enfants. Il y a le parc qui est déjà en place, qui est là à l'année, là, pour le petit parc d'amusement pour les enfants. Bref, il y a tout pour bien recevoir les gens. Fait que c'est une chose importante que les gens viennent dépenser quelques sous avec nous autres en festoyant, puis aider ainsi la pérennité de l'événement. Si vous aviez eu des garanties de la part de la santé publique que tout allait être correct, puis vous auriez été tout conforme là, pour les installations, pour légalement les passeports vaccinaux et ainsi de suite, les coureurs, les équipes pourront librement venir à Saint-Félicien parce qu'il y a des équipes de Saint-Félicien. Est-ce que si vous l'auriez eu là, est-ce que vous auriez été capable de garantir qu'il y aurait eu un événement? On aurait tout tenté pour le faire. Par contre, il aurait fallu, comme je te dis, s'assurer que les gens sont prêts à recommencer, à nous soutenir au niveau financier. C'est un événement majeur. C'est un événement où ça comporte des gros déplacements. On sait que juste la mise à l'eau, ça nous nécessite 3 grues. Et puis, c'est tous des frais là qui sont fixes et puis qui sont redondants d'une fois à l'autre. Mais c'est des gros montants, puis ça prend des bons partenaires financiers qui sont capables de suivre la machine. OK. Est-ce que l'an prochain, est-ce que si mettons que la COVID est terminée, est-ce que tu peux nous garantir qu'il va y avoir des régates? Si tous les éléments que je t'ai décrits sont rassemblés, si le comité est renforcé encore une fois, on l'espère tous, hein, on a fait ça, on a bâti quelque chose, pas pour le regarder tomber, mais bien pour la pérennité de l'événement. On aimerait ça qu'il y ait une suite des choses, donc on l'espère et puis on va travailler dans ce sens-là, c'est sûr. Moi, je suis inquiet pour beaucoup de choses. Je suis inquiet pour les festivals, je suis inquiet pour les organisations comme ça, t'sais. Non seulement au niveau financier, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui risquent de tomber, sauf que également pour la motivation, ça doit être dur d'organiser quelque chose quand tu sais même pas si tu vas pouvoir le faire. Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus. C'est un fait, c'est des choses qu'on va revivre. Hein. C'est un peu la même ignorance que de démarrer. Là, 15 ans, on était à rien. Et puis, on se battait un petit peu contre la machine pour démarrer. Puis, ça l'a porté fruit. Regarde, on en est rendu à attendre notre 15e. Là. OK. Ben, Régent Côté, on va te souhaiter la meilleure des chances. C'était un événement à plate, mais on comprend très bien la situation. Puis, au plaisir de se parler de tantôt. Merci beaucoup. Bonne journée à vous tous. Le président des régates de Saint-Félicien, Régent Côté.